parce qu'elle a beaucoup de succès là, je vois. Bon, allez, vous nous dites, et puis dans un instant, on y retourne. Mais aucun souci. On voulait faire écouter ce que tu nous as préparé, parce que la semaine dernière, les plus fidèles le savent. En tout cas, ceux qui étaient là jusqu'au bout de l'émission, t'avais eu un soir tard dans l'émission, Richard. Ouais. Donc Richard alias Brolic, c'est le même. Donc t'es à Marseille et tu nous avais dit que tu faisais du beatbox. Tu nous as fait une petite démonstration, c'était marrant, et puis on t'a dit, ce serait bien que tu fasses un morceau. Ben en fait, pour expliquer l'histoire, ça s'est passé un peu tard. J'ai expliqué que j'avais fait un premier son qui avait bien marché, le deuxième un peu moins. Et du coup, vous m'avez conseillé de faire le son de Sopra. Donc du coup, j'ai fait le son de Sopra. Alors, vous écoutez et bien. Donc, c'est très bien fait. C'est tout fait avec la bouche. Ouais, non, mais il est bien. La bouche et l'enregistrement est fait par un ami à moi, Alex et Joe, qui a fait des clips aussi pour Sopra. Ah, d'accord. Ils t'ont filmé et tout ça, c'est bien fait. Fresh Prince, tu nous as fait. Ah, parce qu'il y a la vidéo. Ouais, il y a la vidéo. Bon, on va vous la mettre sur tous les réseaux. Vous écoutez bien le morceau, vous nous dites ce que vous en pensez. Donc c'est tout fait avec la bouche, il n'y a pas un instrument et rien. Je te jure, aucun instrument. C'est du beatbox. La bouche, c'est son cul. Il l'a fait avec son cul. Cédric fait du beatbox avec son cul également. Non, mais si t'arrives à faire un truc comme ça avec le cul, gros, Ah ouais. Bah là, il faut aller à incroyable talent. Hein. Ah ouais, direct. Salut les filles. Ah, c'est joli, Cédric. Oh, très beau beatbox anal, Cédric. On va écouter quand même le truc de Brogic. Tu préfères. Ouais, c'est clair. Bon, écoutez bien et dites-nous ce que vous en pensez. Donc, il a tout fait avec la bouche. C'est Fresh Prince de Soprano. Débarque dans le club, accompagné de mes thugs. La classe de Brad Pitt, normal que ta femme bug. Je marche qu'avec les vrais, ouais, je marche qu'avec les best. Y'a qu'à l'époque de Chris Cross qu'on a tourné la veste. Le DJ met mon son dans la boîte, c'est le spell. Un mec me prend la tête, un mec veut se faire du buzz. Mais si tu ne sais pas boire, ne t'approche pas de moi. Ma CQC, j'ai fait tout pour tailler ta gueule de bois. Bref, ne compare pas au reste. Ils sont devenus célèbres comme la femme de Kanye West. Chez nous, on fait des hits depuis l'époque de la Marelle. Je sais, je vieillis pas, on m'appelle Soprano. Ils se prennent pour Barcel, Stringer. Belle. Quand ils prennent le micro, j'entends jingle bell. Nous on brille sans l'aide de EDF. En boîte avec des lunettes à la Michel Polnareff. Yeah. On rentre dans le club habillé comme des princes. Fresh, fresh, fresh, anti-de mon pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince. Si tu danses à la Carlton, tu t'es gavé. Danse à la Carlton. Carlton. Yeah. Danse à la Carlton. Danse à la Carlton. Yeah. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Je débarque dans le VIP, stylé comme Fresh Prince. Une arrivée royale comme Eddie Murphy dans le Queens. Convoité comme un Brinks, tous les yeux sur ma sap. Toi t'es sapé comme sur Arte, donc normal qu'elle te zappe. J'entends des mecs qui clapent, clapent, clapent, clapent, clapent. Et des mecs qui prennent des claques, claques, claques, claques, claques. En voyant ma dernière snap, snap, snap, snap, snap. Mesdames, je suis marié, pas de snap, snap, snap, chat. Physio, ces mecs sont des mythos. J'ai plein de cousins depuis que j'approche le salaire de Eto. Il est trop tôt pour entrer au Hilton. Laisse-moi danser à la Carlton. On rentre dans les clubs. Comme des princes, fraîche, fraîche, fraîche, en jean ou en pince. Mets-toi bien, ce soir c'est moi qui rince. Si tu danses à la Carlton, danse à la Carlton, danse à la Carlton, danse à la Carlton, danse à la Carlton. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Jeffrey, remets-nous des glaçons. Il y en a qui disent, c'est quoi la différence avec Sopra? Eh, tellement c'est bien fait. Ah, si tu regardes la vidéo, tu vois sa bouche qui bouge, tu fais les deux boxes. Donc tout avec la bouche. Excellent le mec, franchement il gère. Hashtag fan, c'est super, c'est trop bien. Beaucoup de talent pour Didine. Il y en a un qui croit pas, il pense que t'as pas fait tout à la bouche. Mais si, il a tout fait avec la bouche, comme Marie. Ah ouais, ah, t'es con. Je t'ai fini à la bouche. Danse à la Carlton. Danse à la Carlton. Danse à la Carlton. Vas-y. Danse à la Carlton. Eh, c'est bien foutu, hein. Ah, franchement. Ah, eh, bravo, Brolic. Eh, Brolic, c'est bien. C'est Brolic au mic. Brolic au mic. Eh, tout avec la bouche. Alors, c'est encore plus impressionnant quand vous voyez la vidéo. On va vous la mettre sur tous les réseaux de Skyrock. Yes. Ouais. Le Facebook de Skyrock. Mais il est bien en plus ton clip. Il est bien fait, hein. C'est bien fait, ouais. Ah, t'aimes bien le clip, Merci, Romano. Ben ouais, ben je t'ai dit, c'est pas un pro. Tu vois, avant, je faisais mes vidéos, moi. Mais voilà, j'ai dit bon bah écoute, je vais les faire par un professionnel et tu vois. Là, t'es monté en gamme. Ouais. Ah bah, en fait, il y a tous les plans de son visage qui fait les beatbox super. Ouais, qui quoi. Fait les différentes musiques à l'intérieur de la voilà, musique. Voilà, c'est ça. J'ai une mauvaise c'est nouvelle. Je sais que t'es Marseillais. Le PSG a marqué. Ouais. 6-0. Quand ils sont déglingués les pauvres. Ah ouais, 6-0. But d'Augustin. Oh bah Marseillais qui est pas dérangé. Ah c'est même génial. 6-0 et c'est Augustin qui vient de rentrer, non? Ouais, il est rentré à la place de Di Maria, il me semble, au Cavani. Eh ben il a marqué son but, ça fait Maria, donc 6-0 ouais. Pour le PSG face à Caen ce soir. Carton du PSG. Et plein de messages, superbe, j'adore. Ah c'est pas pour le PSG, c'est pour ton son, ton beatbox. Mais une question logique. Il gère trop le Marseillais, oui Romano. Mais même le rythme, tu le fais à la bouche? Tout à la bouche. C'est-à-dire le rythme, le beat, tu parles? Ouais, le beat, ouais. Ouais, tout. Et ah Romano, parce que ça, on dirait une machine, studio, quoi. Je te jure, un jour, tu viens au studio avec moi, je te montre tout. Mais là, tu peux nous faire, par exemple. Waouh, tu viens au studio avec moi, je te montre tout. Romano, ah ouais, tu montreras ton gros sexe. Non, mais y'a pas de message subliminaux, quoi. Si, ça c'est non, mais t'inquiète, j'ai bien compris ton petit manège. J'ai compris, je vais te reprendre en antenne et nous organiserons. Tu auras le droit de me sucer. Mais alors, écoute. Ce qui est très gentil. Écoute, faut que tu fasses au moins Pamela, tu vois, au moins ça. Je viendrai avec une perruque si ça peut te faire plaisir et t'aider. Il viendra, oui, tu mettras ta perruque, Romano. Aucun problème. C'est bien. Bon bah voilà. Non bah en tout cas pour les messages ça vous a plu. Cool son truc pour Shackman. C'est vrai qu'il fait tout avec la bouche. J'y crois pas. Va voir la vidéo, tu vas voir, tu vas y croire. Trop fort pour Lina. Trop bon son. En plus c'est ma chanson préférée de Sopra. Bah tu vois plein de messages qui sont. Ouais ça fait plaisir. Il a utilisé de l'autotune pour modifier un peu sa voix. Nous dit Dark Walls. Bah bien sûr. Quand il chante, ça veut dire que bah bien sûr Sopra il a mis de l'autotune. Tu vois Jules met de l'autotune. Donc quand je refais leur son, je suis obligé de mettre de l'autotune aussi. Tu vois. Aussi d'autotune. Bon bah en tout cas super. Ouais. Mais ça va, c'est super bien fait. Hein, franchement bravo. Donne tes adresses pour écouter tout ça, pour écouter tes sons, pour parler. La vidéo on la met sur les réseaux de Skyrock. Okay. Hein, vous allez sur le Facebook de Skyrock. C'est gentil. Merci partout, beaucoup. Partout. Beaucoup. Tu as du monde. Ça me fait gravement plaisir. Et pour monsieur en fait tout simplement il faut sur YouTube on tape Relique donc BRE. LI tiré du milieu tiré du 6 donc K. Ouais. Sur Facebook pareil, Brolic, BRELI tiré du 6K. Et voilà, pour le reste, pour Snapchat, c'est BRELI tiré du 6K13. Parce que voilà, on est de Marseille. On est de Marseille. Voilà. Oui. Et puis voilà, après c'est tout tourne autour de tout ça quoi. Voilà. Bon bah en tout cas super, t'as du talent, c'est bien Brolic. Ouais, c'est ce qui me ferait vraiment plaisir, c'est que comme je disais hors antenne tout à l'heure, c'est qu'il faudrait que Sopra. Ah, un jour quand il y a Sopra, on lui fasse écouter. Ah, tu veux qu'on lui fasse écouter le morceau quand il vient dans l'émission? Bah, ouais, bien sûr. Bon, prochaine fois qu'il vient à Sky, vous nous y faites penser, j'y penserai moi aussi. Parce que j'ai une très très bonne mémoire et un très beau cerveau. T'inquiète. Et on passera un coup de fil, Brolic. Ah ben ça va, c'est super gentil les gars. Bah, merci beaucoup. À toi, tiens mon frère cherche des nouveaux talents pour son industrie qui est très connue. Ah, ouais. C'est My Name, 21 ans, qui t'envoie un message. Quant à OM qui nous dit c'est quoi son nom, Brolic, B-R-E-L-I-K. Voilà, Brolic le Marseillais. Ouais, c'est ça. Bah écoute, c'est bravo, ça. Bravo à toi, Brolic. Ouais, ouais merci, bravo. Fou, merci. Bravo, tu as un incroyable talent, bravo. C'est vrai, t'es doué. Ouais, mais les gars, si vous voulez, enfin, pas à chaque fois, mais quand j'ai un gros truc, quand je fais un gros son, si vous voulez, je vous tiens au courant. Bah, après, vous serez au courant de tout ce qui se passe chez Brolic. Alors, on va nous en faire, ouais. Restez bien sur Skyrock, on vous dira tout. Merci, Brolic, salut à toi. Merci bonne à continuation. Bravo, chapeau l'artiste. Bravo. On va rester à Marseille, on va écouter le son de Ghetto Phénomène et Jules, là, tout de suite sur Skyrock. J'adore ce son. En plus, il y aura du Ken Jones qu'on écoutera tout à l'heure, du Alonso Binta, je vous l'avais dit.